Deuxièmement, les Grecs. Généralité. Les Grecs, naturellement pleins d'esprit et de courage, avaient été cultivés de bonheur par des rois et des colonies venues d'Égypte qui, s'étant établis dès les premiers temps en divers endroits du pays, avaient répandu partout cette excellente politique des Égyptiens. C'est de là qu'ils avaient appris les exercices du corps, la lutte, la course à pied, la course à cheval et sur des chariots, et les autres exercices qu'ils mirent dans la perfection par les glorieuses couronnes des Jeux Olympiques. Mais ce que les Égyptiens leur avaient appris de meilleur était à se rendre dociles et à se laisser former par les lois pour le bien public. Ce n'étaient pas des particuliers qui ne songent qu'à leurs affaires et ne sentent les maux de l'État qu'autant qu'ils en souffrent eux-mêmes ou que le repos de leur famille en est troublé. Les Grecs étaient instruits à se regarder et à regarder leur famille comme partie d'un plus grand corps qui était le corps de l'État. Les pères nourrissaient leurs enfants dans cet esprit et les enfants apprenaient dès le berceau à regarder la patrie comme une mère commune à qui ils appartenaient plus encore qu'à leurs parents. Le mot de « civilité » ne signifiait pas seulement parmi les Grecs la douceur et la déférence mutuelle qui rend les hommes sociables. L'homme civil n'était autre chose qu'un bon citoyen qui se regarde toujours comme membre de l'État, qui se laisse conduire par les lois et conspire avec elles au bien public sans rien entreprendre sur personne. Les anciens rois que la Grèce avait eus en divers pays, un Minos, un Cécrops, un Thésée, un Codrus, un Thémène, un Cresphonte, un Eurysthène, un Patrocle et les autres semblables, avaient répandu cet esprit dans toute la nation. Ils furent tous populaires, non point en flattant le peuple, mais en procurant son bien et en faisant régner la loi.